Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le Morning Bisoy. On démarre cette nouvelle semaine ensemble. Nous sommes lundi 20 avril 2026, il est 7h. On démarre la semaine avec du bon son, de l'info légère, de la bonne humeur et tout ce qu'il faut de curiosité pour réveiller les esprits. Installe-toi bien, respire un grand coup, prépare-toi un café, un thé, un chocolat ou alors un verre d'eau si tu préfères et laisse-toi porter. On lance le morning maintenant. Et pour ouvrir ce lundi, on part sur un titre qui met tout de suite l'énergie au bon endroit avec une montée progressive et un vrai boost au moment parfait. Voici Dog Days Are Over de Florence plus The Machine. C'est tout de suite sur Bisoy. So you better run. Florence plus The Machine si tu veux le prononcer à la française, ou alors si tu préfères la version anglaise, tu peux dire Florence plus The Machine, avec un morceau qui commence presque en douceur, tu l'as entendu, avant d'exploser complètement. Et c'est justement ça qui en fait un excellent titre pour le morning. Il accompagne le réveil, puis donne un vrai coup d'accélérateur. Petite info, ma foi intéressante, ce titre est souvent utilisé pour symboliser un renouveau ou une sortie de période compliquée. C'est parfait pour attaquer une nouvelle semaine. Et dans la minute curiosité de ce lundi, est-ce que tu savais que le cerveau adore les routines, mais qu'il aime aussi être surpris? Oui, le cerveau est parfois un peu incompréhensible. C'est exactement pour ça qu'un petit changement dans le trajet du matin, une nouvelle boisson ou même une chanson inattendue peut donner l'impression que la journée démarre mieux. Une nouvelle boisson par exemple, si tu es habitué au thé, pourquoi pas essayer, je sais pas, un matcha ou un bubble tea, hein, 7h du matin, pourquoi pas. Et une chanson inattendue, bah pour ça tu peux écouter Bisoy toute la journée, ce sont des chansons qui ne passent pas ailleurs ou qui passent très peu ailleurs. Bon, il y a quand même, je l'avoue, des morceaux bien plus connus, mais la volonté de Bisoy, c'est de passer des morceaux qui ne passent pas vraiment ailleurs, et c'est aussi les retours que vous nous faites. Et quand on voit ces retours, bah forcément, c'est une mission réussie pour Bisoy. Et le cerveau repère la nouveauté comme un mini-signal de réveil, moralité, casse un tout petit peu la routine, et c'est parfois le meilleur moyen pour toi de rester en forme dans ta tête. On reste dans une ambiance qui fait avancer les choses et je te passe tout de suite Take Me Out de Franz Ferdinand. Merci de te réveiller avec Bisoy. Je te passe ce morceau tout de suite. I'm just Take Me Out de Franz Ferdinand, pardon. C'est un petit titre, mais une grande efficacité. Franz Ferdinand a construit, avec ce morceau, un vrai pont entre le rock nerveux et le refrain qui reste dans la tête toute la journée. Et si c'est ton cas, eh bah... Pardon, j'ai envie de dire. Et c'est souvent ça, les grands titres du matin. Une énergie immédiate et une mélodie qui ne te lâche plus. Maintenant, on va passer au plan culturel. En France, pour un petit peu aborder différents endroits. Aujourd'hui, par exemple, on se rend à l'espace Émile Gallet de Raon-l'Étape. C'est dans les Vosges, en ce mois d'avril, où il est de coutume de ne point se découvrir d'un fil, n'est-ce pas ? Ce n'est pas un, mais quatre artistes qui ont choisi, contre tout bon sens populaire, de se découvrir et de se mettre artistiquement à nu pour dévoiler toute l'étendue de leur talent. Ce remarquable quatuor, lié par de forts liens familiaux et amicaux, est composé de Jean-Marie Ed, de ses deux enfants Hélène et Antoine, ainsi que de Jean-Pierre Léger. Jean-Marie Ed est médecin généraliste senonais, passionné d'art, peintre et poète dans l'âme, et il nous offre à voir au travers de ses toiles sa vision des différentes terres d'accueil qu'il a arpentées depuis son enfance, sa Provence natale, la Normandie qu'il l'a vu grandir, et ses Vosges de cœur. Hélène et Antoine, quant à eux, combinent habilement musique et art pictural. Pour Hélène, chevalet et piano ne sont jamais bien éloignés l'un de l'autre. Ses œuvres colorées et originales sont à la fois intrigantes et passionnantes. Et son frère, Antoine, est musicien et photographe, et il nous fait partager toute sa sensibilité au travers de magnifiques photographies, couleurs et noir et blanc. Et d'ailleurs, leur très cher ami Jean-Pierre Léger, est peintre et sculpteur et transforme en œuvre d'art les objets du quotidien mis au rebut. Jean-Pierre nous invite à repenser notre relation à la matière, au concept de récupération et à avoir pleinement conscience de l'importance du recyclage. Deuxième bon plan, Franz Masril, un art entre révolte et rêverie. Et cette fois-ci, on se dirige vers Épinal, hein, toujours dans les Vosges, pour découvrir une autre expo, Franz Masril, un art entre révolte et rêverie. De son vivant internationalement célèbre, le Belge Franz Masril, né en 1889 et décédé en 1972, doit aujourd'hui être redécouvert. Son art est multiple, l'homme étant un humaniste engagé dans les luttes de son temps, la recherche d'un art de combat et la représentation d'un monde à pacifier. Il est depuis toujours reconnu pour ses gravures sur bois, indépendantes ou alors illustrant de nombreux livres, tels que ceux de ses amis Stefan Zweig, Romain Rolland. La réédition régulière de quelques-unes de ses histoires en images sans parole, il est le créateur du roman graphique sans texte dès 1918, a contribué à ne pas totalement oublier. Et si Masril possédait bien des planches d'imagerie d'Épinal, c'est surtout sa pratique de la traditionnelle gravure sur bois destinée à un large public qui a orienté ce choix. Cette exposition est aussi l'occasion de découvrir ou de redécouvrir d'autres facettes de l'artiste qui a également dessiné, peint, travailler pour la presse et l'édition et pour les arts décoratifs. C'est donc un artiste complet que tu découvriras dans ce musée et c'est à un artiste complet que le musée de l'image ouvre ses portes jusqu'au 20 septembre 2026. Pour poursuivre cette montée en puissance en ce début de semaine, on envoie maintenant Wake Me Up de Avicii, un de mes morceaux favoris à titre personnel, et on rend hommage du coup à Avicii avec ce morceau. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. Well, that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I. carrying the weight of the world. But I only have two hands. Hope I get the chance to travel the world. But I don't have any plans. Wish that I could stay forever this young. Not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone. And love is the prize. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up. Wake Me Up de Avicii, c'est un morceau pensé comme un vrai réveil. Objectif, rythme, lumière, mouvement. Ce titre fonctionne souvent très bien le matin parce qu'il donne cette impression de départ immédiat, comme si la journée passait tout de suite en mode on y va. Et pour te parler un petit peu de ma vie, quand ça va pas, quand je suis découragé ou un peu triste, j'écoute ce morceau et tout de suite il me redonne un coup de boost. Et si c'est ton cas également, n'hésite pas à nous le faire savoir sur les réseaux sociaux de Bisoy, page Facebook entre autres, et Instagram, même s'il n'y a pas grand chose dessus pour l'instant, pour ne pas dire rien du tout, le mieux c'est la page Facebook. Allez, on termine ce morning avec l'horoscope Bisoy et on commence par les béliers. Tu démarres vite, mais pense à finir ce que tu commences. Taureau, une bonne nouvelle concrète peut arriver aujourd'hui. Gémeaux, la communication est ton meilleur atout, surtout ce matin. Cancer, prends un peu de temps pour toi, tu en gagneras en clarté. Lion, belle énergie, mais évite de vouloir tout contrôler. Vierge, journée efficace si tu avances étape par étape. Balance, un échange agréable pourrait te remettre du baume au cœur. Scorpion, écoute ton instinct, il est particulièrement affûté, toujours suis son instinct. Sagittaire, envie d'ailleurs, même mentalement, fais respirer ta journée. Capricorne, tu avances mieux que tu ne le crois. Continue. Verseau, une idée un peu folle mérite peut-être qu'on la teste. Et enfin, Poisson, intuition, douceur et créativité seront au rendez-vous aujourd'hui. Et voilà, c'était ton Morning Bisoy pour bien démarrer ce lundi et pour bien démarrer cette semaine. Merci d'avoir partagé ce réveil avec nous et on se retrouve dès demain, dès 7h, pour ton prochain Morning. En attendant, reste branché sur Bisoy. On diffuse 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Honnêtement, ça serait dommage de rater ça. Allez, salut et à demain!